Cyrano provoque alors en duel le vicomte de Valvert, et ce, accompagné d'une ballade, poème avec trois couplets terminés par un envoi. Ballade du duel quand l'auteur de Bourgogne, monsieur de Bergerac, eut avec un bel litre. Le vicomte, qu'est-ce que c'est que ça, s'il vous plaît? C'est le titre. Tableau, cercle de curieux par terre, les marquis, les officiers mêlés aux bourgeois et aux gens du peuple, les pages grimpées sur des épaules pour mieux voir, toutes les femmes debout dans les loges. Cyrano. Attendez, je choisis mes rimes. Là, j'y suis. Il fait ce qu'il dit à mesure. Je jette avec grâce mon feutre, je fais lentement l'abandon du grand manteau qui me calfeutre, et je tire mon espadon, élégant comme Céladon, agile comme Scaramouche, je vous préviens, cher Myrmidon, à la fin de l'envoi, je touche. Premiers engagements des épées. Vous auriez bien dû rester neutre. Où vais-je vous larder, dindon? Dans le flanc? Sans votre maître? Au cœur? Sous votre bleu cordon? Les coquilles teintes, ding-don! Ma pointe voltige, une mouche. Décidément, c'est au bedon qu'à la fin de l'envoi, je touche. Il me manque une rime en eutre. Vous rompez, plus blanc qu'amidon. C'est pour me fournir le mot pleutre. Tac! Je pars à la pointe dont vous espériez me faire don. J'ouvre la ligne, je la bouche. Tiens bien ta broche, laridon. À la fin de l'envoi, je touche. Il annonce un enlèvement. Envoie, prince, demande à Dieu pardon. Je carte du pied, j'escarmouche. Je coupe, je feinte. Hé là, donc. Le vicomte chancelle, Cyrano salue. À la fin de l'envoi, je touche. Acclamation, applaudissements dans les loges. Des fleurs et des mouchoirs tombent. Les officiers entourent et félicitent Cyrano. Les amis du vicomte le soutiennent et l'emmènent.